قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان مكان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. Donc là, c'est la muqaddima de l'imam Ibn Qudama. Il commence par louer Allah Azza wa Jal en disant la louange appartient à Allah, celui qui est loué en toute langue. Al-Ma'boud fi kulli zaman. Et celui qui est adoré à chaque époque. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan. Et celui dont la science ne laisse aucun endroit sans que il n'atteigne. Wala yushghiluhu sha'nan 'an sha'ni. Et il n'est pas occupé par une chose sur une autre. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas occupé par une chose sur une autre. Jalla 'an al-ashya'a ou jalla 'an al-ashbah wal-andad. Et il est purifié, exalté d'avoir des égaux. D'avoir des égaux et des choses comparables à lui. Wa tanazzah عن الصاحبة والأولاد. Et il est purifié d'avoir une compagne ainsi que des enfants. ونفذ حكمه في جميع العباد. Et son jugement est effectif sur toutes les créatures. لا تماثله العقول بالتفكير. لا تماثله العقول بالتفكير. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. La raison ou la raison des êtres humains ne peut le comparer, ne peut atteindre le fait de le comparer à quoi que ce soit. Et même les cœurs des créatures ne peuvent atteindre sa conception, arriver à le cerner. Ça y est. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et donc ensuite il est venu avec le verset d'Allah Azza wa Jal, où Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui le bien audient et le clairvoyant. Qala, donc ensuite l'imam Al-Qudama il poursuit, il dit lahu al-asma'u al-husna wa sifatu al-ula. Et Allah appartient les plus beaux noms ainsi que les plus élevés des attributs. Qala ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. وَإِنْ تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. لو يعني الآيات مكملة عندكم كفى هنا لو كمل لكان أحسن لأن بقية الآيات الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم. على كل حال هذه طريقة القدماء أنهم يتكلمون بشيء ويأتون مباشرة بماذا؟ بالدليل وهذه طريقة حسنة، بل هو طريقة أهل الهدى والبصيرة. Le fait de lier à ta parole une preuve. Car si les gens ils oublient ta parole, au moins ils n'oublieront pas la preuve. Non. والحجة كلام الله وكلام رسوله. C'est ça la véritable preuve et le véritable argument. La parole d'Allah Azza wa Jal ainsi que la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. قال. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en arabe bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal. C'est-à-dire c'est une forme d'introduction par laquelle l'auteur va te faire comprendre le sujet du livre. C'est une introduction par laquelle l'auteur il va te faire comprendre sur quoi va porter le sujet du livre. Ça va ? En l'occurrence, là, vous comprenez quoi de ces quelques mots ? Tu lis, il va porter sur quoi ? Sur Asma wa Sifat. Al-Asma wa Sifat. Aghlab al-Kalam, la plupart du livre, il va porter sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Naam. Qala, ahata bi kulli shay'in ilma. Thumma ba'den, hada kalam, kalam ma yusamma al-arifin. Kalam al-arifin billahi Azza wa Jal. Ça, c'est la parole de ce qu'on appelle les gens qui ont atteint la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, bikayfe, mais ils ont atteint une connaissance d'Allah Azza wa Jal que la plupart ou le commun des mortels n'ont pas atteint. C'est pourquoi il vient et te parle d'Allah Azza wa Jal avec une éloquence impressionnante et aussi avec des choses, des en évoquant des sifats d'Allah Azza wa Jal qui montrent bien que cet imam a atteint dans la connaissance des asma wa sifat un haut degré. Tamam? Qala ahata bi kulli shay'in ilma. Il a certes cerné toute chose par sa science. Wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hukman. Et il a assujetti toute créature de par sa izza et de par son jugement. Wa wasa'a kull shay'in rahmatan wa 'ilma. Et il a englobé toute chose. Il a englobé toute chose par sa miséricorde et sa science. نعم. فلهذا يعني السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا ذروة في العبادة، ذروة في المعاملات، ذروة في الآداب والأخلاق، ذروة في كل شيء، ولهذا كان في زمنهم الإسلام قوي، كان الإسلام قويا في زمنه، وظهر في مشارق الأرض ومغاربها. الإسلام a eu le dessus dans chaque contrée de la terre à leur époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette connaissance là. Cette connaissance qui pousse à, qui va pousser l'être humain à craindre Allah Azza wa Jal. À craindre Allah Azza wa Jal et à œuvrer en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرَهُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هكذا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. هذه الآية où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Hein? Ce verset-là, ذكر في أسباب نزوله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من الأحبار. Il y a un docteur parmi les docteurs des gens du livre. c'est-à-dire les savants, parmi les savants des gens du livre, qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu al-arda fi al-aradin, fi isba' wal-sama' fi isba' والماذا والشجرة والشجر والثرى في إصبع والماء والبحر في إصبع لا dans ce hadith il te dit on a trouvé dans nos livres, c'est-à-dire le docteur il vient et te dit on a trouvé dans nos livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va à la fin des temps regrouper toutes les terres sur un doigt, toutes les mers sur un doigt, tous les arbres sur un doigt, mada, les cieux sur un doigt, et mada, et toutes les créatures sur un doigt. Tamam? Thumma yaqul ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Et ensuite il dira Allah azza wa jalla, je suis le roi, où sont mada, où sont les orgueilleux, ceux qui faisaient preuve de vanité. Tamam? Et ça, c'est le savant des gens du livre qui dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falamma sami'a hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, lorsqu'il a entendu cette parole de cet homme, il a rigolé. Il a rigolé afin de en guise d'approbation de ces paroles. Et ensuite, il a évoqué le verset que je vous ai cité. Comme quoi, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce qu'ils savent tout ça. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette puissance-là, il a cette force-là, et malgré tout, ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاث. ذهبوا إلى أن الله أو إلى أن عزير بن الله ذهبوا إلى يد الله مغلولة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى فقير ونحن أغنياء ذهبوا إلى يعني أقاويل باطلة مع العلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. نعم. فانظروا يعني ثمرة العلم بالله عز وجل والعمل بهذا الأمر. ها؟ نعم. قال بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ensuite il a évoqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux, et personne ne peut concevoir sa science ou cerner sa science. Personne ne peut cerner sa science. Mawsoufun bima wasafa bihi nafsahu. Mawsoufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabiyihi al-karim. Et on le qualifie ou il est qualifié parce que lui-même s'est qualifié par les attributs que lui-même s'est attribué à lui-même. Sur la langue de son prophète, alayhi salatu wa salam. Tamam? Donc ça, c'est l'introduction d'Ibn Qudama dans son livre L'Um'atul I'tiqad. Taïd, Cheikh Al-Uthaymeen yaqul fi sharhih Al-Lum'a tutlaqu fi al-lugha ala ma'anin minha al-bulghatu min al-'aysh wa hadha المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. طيب. Donc le mot lum'a, comme vous le voyez, c'est le nom de ce livre, lum'atu al-i'tiqad. Ma ma'na lum'a fi l'ora, Cheikh Al-Uthaymeen dit ça a plusieurs sens. Et parmi ces sens, al-bul'atu min al-'aysh. C'est-à-dire le comment tu traduirais Boulga? Voilà le comment tu dirais, hein? La suffisance. On va dire le résumé ou Taïb. Par exemple, quand tu t'as le. Non, Boulra. Boulra. Regarde, Ce regarde, spécifique. c'est qui, hein? Regarde, Boulra. Comment il est traduit? Boulra Touminal Aïch. C'est-à-dire le résumé, le concentré. Ouais, le concentré, on pourrait dire. C'est ça? Ce qui suffit. Hein. Le concentré, ouais. Oui, Al-Muhim, Cheikh Al-Uthaymeen, il voit que ce sens, il est le plus, c'est le sens qui est le plus approprié au titre du livre. Al-Bulgha, Bulghato, min al-Aqidat al-Sahih. C'est-à-dire le concentré de l'Aqidat al-Sahih. Hein? Ils ont dit quoi? Comment ils ont traduit? Il n'y a pas. Il n'y a pas? On va dire comme ça, alors le concentré. Ou le résumé. Taïb. Fama'na lum'atu l'i'tiqad, ay al-bulghatu min c'est comme si tu disais, le sens de lum'atu l'i'tiqad, c'est le résumé ou le concentré de la croyance des pieux prédécesseurs. Non. قال والاعتقاد الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. طيب والاعتقاد il dit c'est le jugement de l'esprit, c'est le ferme jugement de l'esprit, s'il est en accord avec la vérité. Donc on dit que c'est une croyance authentique. Et s'il est en désaccord avec la vérité, alors on dit que c'est une croyance pervertie. Ça va? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un associé. Tabaq al-waqi', est-ce que il est en concordance avec la vérité? Là. Donc là, celui qui a cette croyance-là, c'est une croyance pervertie. Non. قال ensuite sur Al-Uthaymeen il dit ما تضمنته خطبة الكتاب. Donc là sur Al-Uthaymeen il va avancer ce que recèle cette petite introduction qu'on a lu comme فوائد. قال تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي البدءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بسم الله من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة الموصوف بالرحمة الواسعة. Donc là déjà Cheikh Al-Uthaymeen te dit que on prend cette مقدمة. Comme quoi l'auteur il a commencé par Al-Basmala. Taïb, l'auteur il a commencé par Al-Basmala. Taïb. هناك فرق بين البسملة والتسمية. أليس كذلك؟ الله أعلم. ها؟ التسمية؟ ما هو التسمية يا محمد؟ هذا التسمية؟ هكذا؟ ما هو التسمية؟ نعم سي الكونتخير التسمية بسم الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تمام؟ فماذا يشرع عند الأكل؟ التسمية ولا البسملة؟ التسمية. وماذا يشرع عند ماذا؟ عند الدخول في البيت؟ التسمية. وماذا يشرع عند قراءة القرآن؟ البسملة. نعم أحسنت. طيب المهم الشيخ العثيمين يدي que il a commencé son livre par évoquer la basmala et ceci en s'appuyant sur le livre d'Allah Azza wa Jal ainsi que la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Là, lui, il a évoqué que deux choses qui expliquent pourquoi l'auteur il a commencé par Al-Basmala. Taïeb, qui peut rajouter sur ces deux choses? C'est pour être en cohérence avec la sunna Il l'a dit. Avec la sunna de qui? La sunna des autres prophètes. Comme Nabi Allah et Suleyman. Innahu min Suleyman, innahu bismillahir rahmanir rahim. Naam. Pour suivre la sunna des auteurs parmi les salafs. Il a dit aussi par rapport à en cohérence avec quand on récite la parole et quand on commence par la basse le sujet quand on commence à lire la parole Ouais, il l'a dit, ouais, par rapport au pharaon. pour T'as déjà rechercher la rajouté? baraka aussi. Ouais, pour Tabarruk aussi, il l'a dit. Différencier des mouchriquins. Pour se différencier des mouchriquins. Pour se différencier des mouchriquins. طيب قال ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا ça c'est à retenir c'est quoi le quel est le sens du mot Allah Allah ما معنى l'être adoré تمام المألوه المعبود l'être adoré avec amour vénération et désir تمام والرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم الرحمن c'est le détenteur de l'immense miséricorde والرحيم الموصول رحمته من شاء من خلقه الرحيم c'est celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi sa création celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi sa création. C'est pourquoi بعضهم يقولون الله سبحانه وتعالى رحمن في هذه الدنيا وفي الآخرة رحيم. الله سبحانه وتعالى رحمن في هذه الدنيا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. Certains disent que الله سبحانه وتعالى il est رحمن في هذه الدنيا. Pourquoi? Parce que sa miséricorde elle est immense. Il fait miséricorde à qui? À tout le monde, aux musulmans et aux mushriks. Parce que, comme c'est venu dans certains hadiths, s'il aurait voulu, si la dunya elle avait de la valeur pour Allah Azzawajal, ce qui n'est pas le cas, subhanallah, il n'aurait pas fait descendre une goutte d'eau pour le kafir. Une goutte d'eau, il ne l'aurait pas donné. Si cette dunya elle avait de la valeur pour Allah Azzawajal. وَلَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ رَبِّنَا. Tamam. على كل حال والرحيم في الآخرة c'est-à-dire qu'il va faire parvenir sa miséricorde à qui il veut et في الآخرة sa miséricorde elle ne touchera que les croyants ou ceux qui ont cru les موحدين. طيب قال فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه طيب انتهينا من هذا الأمر قال الثاني الثناء على الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم donc là on voit aussi parmi ce que le poète qui a évoqué Cheikh Al Uthaymeen l'éloge fait à Allah عز وجل par sa louange Non. Par sa louange. Et c'est quoi la différence entre la louange? Ah bah si. La différence entre la louange et le choukr. Alhamd ou choukr. Mal farq baynahum. Mal farq. La louange c'est que la parole. La louange c'est khas bil lisan. Tu ne peux louer Allah Azza wa Jal qu'avec ta langue. Tu dis pas je loue Allah avec mon cœur. Tu le loues avec ta langue. Ça va? Et c'est lié à une chose qui est arrivée. Et justement, et la louange, ça a pas de lien avec un bienfait. Ça veut dire tu peux louer Allah Azza wa Jal quand tu as un bienfait, comme tu peux le louer même si tu n'as pas de bienfait. Même s'il y a un malheur qui devient, tu peux louer Allah Azzawajal. Et c'est pourquoi quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Alhamdulillah ala kulli hal. Tamam, Alhamdulillah ala kulli hal. Tandis que Al-Shukr, c'est pas spécialement avec la langue. Tu peux faire avec le cœur. Avec les membres et avec la langue. C'est avec les trois, le Shukr. Tashkur min al-qalb, tashkur bil-qalb, thumma bil-lisan, thumma bil-jawarih. Tamam. Mais le Shukr, c'est que lors de la venue de bienfaits. Tamam. Wa alaykum salam wa طيب قال الثالث أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. Et donc on prend aussi cette introduction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est loué de toute langue, en toute langue. Allah subhanahu wa ta'ala il est loué en toute langue et il est permis de louer Allah azza wa jalla en toute langue. Tamam. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il est adoré en toute terre. Et il est permis, voire il est obligatoire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur toute terre, sauf dans les endroits où le prophète sallam a interdit par exemple la prière, comme dans les étables des chameaux. Ou aussi comme la salat dans les cimetières. على كل حال كلام جميل قال رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهي أمر عن أمر. نعم. On prend aussi cette introduction que on comprend l'énorme ou l'immensité de la science d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur terre ou dans les cieux, dans les cieux. Il n'y a pas un endroit dans l'univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'atteint pas de sa science. Non. Au fil haqiqa, celui qui veut juste essayer de penser à la science d'Allah Azza wa Jal, ça yaqta nafasuh qabla an yudrik. Non. Il n'arrivera pas à atteindre l'immensité de sa science. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, à la sabil al-mithal, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Il connaît ce qui est proclamé. Et ce qui est caché. Tamam. Et dans l'autre verset de Taha, c'est quoi? C'est Taha. Innahu ya'lamu. Innahu ya'lamu. Ouais. C'est celui-là ou c'est celui de Sabih? Aywa. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. طيب السر ما هو سي لي شوز كاشي طيب واخفى اسكي انكور بلو كاشي سي كوا شوف لي فيرسي دو القران اي سون سوبر دقيق اي سون سوبر بوينتو ان فيريتي تو تي بو لي لير pendant peut-être une quinzaine d'années sans savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut vraiment dire par là. Il te dit qu'il connaît les choses apparentes. طيب معلوم. Ensuite, ils te disent qu'ils connaissent les choses cachées. Sir. Tamam, les choses cachées. Et ensuite, ils te disent qu'il y a encore plus caché. Tamam. Lama tarji ila tafsir, tajid annahum fassaru, bi anna Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont traduit cela comme quoi? C'est-à-dire, il connaît ce dont tu vas penser dans kada kada mina sini. Tel jour, tu vas penser ça. C'est-à-dire, la pensée, elle n'est même pas encore. Elle est même pas encore arrivée chez toi. Que Allah subhanahu wa ta'ala il sait déjà qu'est-ce que tu vas penser demain, qu'est-ce que tu vas penser dans 10 ans, à tel jour, à tel moment, à telle heure, à telle seconde. Déjà, quand tu as compris ça, tu as compris que fi'lan, Allah subhanahu wa ta'ala yudrik kulli shay. Yudrik kulli shay. Et en vérité, quand tu t'étudies ce genre de livre et t'apprends ce genre de. Ça te rajoute de la crainte d'Allah Azzawajal. Voilà chaque. Et aussi, d'un autre côté, ça te rajoute de la confiance. Quelqu'un qui sait tout. La tabunna annaka idha kunta madhluman an Allah la yara. Si jamais quelqu'un te fait de l'oppression, ne te dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yudrik kulli shay. طيب قال بعد ذلك خامسا وعظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفته من جميع الوجوه. نعم كم قال الله سبحانه وتعالى il est exempt de tout ego et de tout être comparable. نعم وتنزيهه وتقدسه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه. Et il est exalté et purifié d'avoir une épouse ou d'avoir des enfants. Et ceci en vue de la perfection de sa richesse. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de femme, il n'a pas besoin d'enfants. Contrairement à toute créature. Toute créature, il a besoin de compagnie. Naam. سمي الإنسان إنسانا لماذا؟ سمي الإنسان إنسانا لماذا؟ الإنسان نسيان. لأنه ينسى هكذا. وهذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح. نعم. Certains savants ils sont de l'avis que l'être humain il a été appelé en arabe insan. Pourquoi? Parce que c'est pris du mot nisyan, qui signifie l'oubli. Qui signifie l'oubli. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est pas ça. Bel, l'avis le plus juste, c'est qu'il a été appelé insan minal ons. Minal ons. Ça veut dire quoi, l'ons? Voilà, c'est pris du mot sociabilité, ou c'est la sociabilité. Quelqu'un, il peut pas, en fait, l'être humain, il peut pas rester seul. Au fil, tu le mets dans une terre déserte, il peut pas tout seul. Il faut qu'il ait quelqu'un avec qui il ait un rapport. Tamam? Non. فهذا هو الصحيح أن الإنسان من الأنس سمي إنسانا من الأنس. طيب قال سابعا تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. كم قال الله سبحانه وتعالى وسي il a une volonté parfaite que personne ne peut faire face. Personne ne peut faire face à la volonté d'Allah. Kun fayakun. Il dit soit et c'est. Personne ne peut faire face à la volonté d'Allah Azza wa Jal. طيب قال كذلك وعظم وعظمة الله أو عظمة الله فوق ما يتصور بحيث ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et aussi le fait que personne ne peut s'imaginer Allah Azza wa Jalla. Le comment d'Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut s'imaginer. Ni les cœurs ni l'esprit. Naam. واختصاص الله واختصاص الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il n'y a qu'à lui qu'incombe les plus bons noms, les plus beaux noms et les plus beaux attributs. طيب قال استواء الله على عرشه وعلو وهو العلو علوه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. نعم. Si on prend cette muqaddima, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi au-dessus de son trône. Il s'est établi au-dessus de son trône. Khala ba'zarik, wa umum mulkihi lis samawati wal ard, wa ma baynahuma wa ma tahta thara. Et donc, le fait que son royaume, le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend toutes choses. Les cieux, la terre et ce qui se trouve en dessous de la terre. وسعت علمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. على كل حال هذا درس مهم يا إخوة. درس يزيدنا إيمانا بالله عز وجل ويزيدنا ثقة به ويزيدنا أدبا معه. Donc ça c'est un dars qui inshallah il va nous rajouter énormément de foi et de confiance en Allah عز وجل ainsi que de crainte. نعم. Et aussi il va nous rajouter du comportement avec Allah عز وجل. كان بعض السلف يقولون تركنا أو انتهينا أو انتهت الخوف انتهى الخوف من عن الرزق لما عرفنا الله on a cessé d'avoir peur comme l'a dit le Hassan al-Basri on a cessé d'avoir peur au sujet du risque lorsqu'on a connu Allah عز وجل. نعم.